هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فمرحبا بكم en cette soirée du samedi. نعم du samedi. من فضلك c'est combien la date aujourd'hui؟ نعم en cette soirée du samedi 3 Qa'da 1429 de l'Hijr, ce qui concorde avec le 1er novembre 2008. Nous sommes toujours avec l'Aqida, loi de Cheikh l'Islam, expliquée par Cheikh Ibn Uthaymeen. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 19e cours du deuxième tome. Nous sommes exactement aujourd'hui à la règle numéro 5, la cinquième, et la dernière règle de ce petit chapitre. Cette règle, et cette base qui s'appelle Al-Aslul Khamis fi Sahabati radiallahu ta'ala, en ce qui concerne les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jalla les agrée, qu'Allah azza wa jalla les agrée. Il a dit, alayhi rahmatullah, ashabun jam'u sahib, ou sahbu ismu jam'in li sahib, ou sahib al mulazimu li shay. Donc ashab, les compagnons, c'est le pluriel de un compagnon. Pluriel des compagnons. Ou sahib, on parle au sens étymologique, bien sûr. Et le compagnon, quand est-ce qu'on dit de quelqu'un, c'est un compagnon, on dit compagnon, yani mulazim li shay, s'il est toujours, yani, si je puis dire, yani, collé à la chose, toujours avec la chose. Non. Au sahabi, et maintenant ce qui nous intéresse, c'est, ce n'est pas étymologiquement, mais religieusement. Non. C'est qui le sahabi? الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Je répète, c'est qui sahabi, c'est qui le compagnon, quand est-ce qu'on sait et que faut-il pour savoir si cette personne par exemple est un compagnon ou pas, il faut d'abord voir quelle est la définition du compagnon. Alors le compagnon هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Soit un compagnon, il faut que, هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم, c'est celui qui s'est réuni avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, avec le prophète عليه الصلاة والسلام, مؤمنا به, en étant croyant. Pas kafir, en étant croyant et bien sûr en attestant sa prophétie. Ensuite, ça ne suffit pas. Et il faut qu'il meure aussi croyant. Non, il faut qu'il meure croyant. Écrivez-moi numéro 1, Inch'Allah Ta'ala, pour continuer. Écrivez-moi numéro 1, Inch'Allah Ta'ala, dans les deux savants. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que je ne suis pas sur le Qadfok, mais je suis sur l'autre. Non. Alhamdulillah. Donc sahabiyu, donc pour que quelqu'un soit un compagnon, il faut qu'il remplisse certaines conditions. La première, huwa alladhi اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم la première étape qui se réunissent avec le messager d'Allah en attestant sa prophétie et qu'il meure en tant qu'être. Et avant d'expliquer cette définition du compagnon, hein, ce qu'on doit savoir, c'est que, comme a dit Cheikh Ali Ahmedullah, ici il a dit, وَهَذَا خَاصٌ فِي الصَّحَابَ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et cette chose, le fait d'être un compagnon, c'est quelque chose de particulier au compagnon. وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et c'est l'une des particularités du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Pourquoi? أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة لكن بشرط أن يكون مؤمنا به. Il a dit ici, rahmatullah, il a dit, c'est une particularité. Pourquoi? Parce que il suffit de se trouver réuni avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est seulement une minute. Et bien sûr, attester qu'il est prophète et mourir de cette façon, même si tu te réunis avec lui seulement une minute, tu deviens un compagnon. Alors que, par exemple, pour nous, pour que quelqu'un, on dit celui-là, c'est mon ami, c'est mon compagnon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il reste une très longue durée avec toi. Sinon, ce n'est pas ton compagnon. C'est juste, on dit, un petit ami ou un copain. Et le compagnon, celui qui te dit un compagnie, hein, et pour qu'il s'appelle compagnon, il faut quoi? Il faut qu'il passe une grande durée avec toi. Mais seuls les compagnons du messager d'Allah ont eu cette particularité qui leur permettait que, même s'ils ne se réunissaient en la présence du messager d'Allah qu'un peu de temps, ne serait-ce qu'une seconde, ils deviennent des compagnons avec les deux autres conditions, qu'ils attestent sa prophétie et qu'ils n'ont rien. Maintenant on va expliquer un peu. Nous avons dit, premièrement, qu'ils deviennent compagnons, il faut que ils se réunissent avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Se réunir avec lui, qu'il le voit ou qu'il ne le voit pas. Qu'il voit le messager d'Allah ou qu'il ne le voit pas. Et qu'il entende le messager d'Allah ou qu'il ne l'entende pas. Pourquoi? Parce que certains disent que, au lieu de dire le compagnon, c'est celui qui se réunit avec le messager d'Allah, certains disent c'est celui qui voit le messager d'Allah. Or, ceci n'est pas vrai. Non, c'est faux. Il faut dire celui qui se réunit avec lui. Pourquoi? Car si on dit celui, c'est le compagnon, c'est celui qui voit le messager d'Allah, donc on va accepter des compagnons, beaucoup de compagnons qui étaient quoi? Qui étaient aveugles. Comme Abdullah ibn Ummi Maktoum. Il était aveugle. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas un compagnon parce qu'il n'a pas vu le messager d'Allah? Non. On va dire que c'est un compagnon. Il est un des grands compagnons. Donc, on ne doit pas dire que c'est celui qui a vu le messager d'Allah, ni celui qui l'a entendu. Parce qu'il se peut que quelqu'un s'assoie avec le messager d'Allah et qu'il soit sourd. Est-ce que ce n'est pas un compagnon? C'est un compagnon, malgré qu'il est sourd. Donc, on ne doit pas dire le compagnon, c'est celui qui a vu le messager d'Allah ou bien c'est celui qui l'a entendu parler. Mais on doit dire c'est celui qui s'est réuni avec lui. Se réunir comme ça, ça englobe quoi? Ça englobe l'aveugle et ça englobe aussi le sourd. Non. Donc vous voyez que pour devenir compagnon, il faut se réunir, hein, en la présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est une seule fois. Ensuite, si on disait si on disait, hein, que par exemple, le compagnon, c'est celui qui voit le messager d'Allah. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, donc d'après cette définition, l'aveugle ne serait pas un compagnon. Elle dit c'est faux. Deuxièmement, ça nous mènerait aussi à quelque chose de faux. À quoi? Ça nous mènerait à dire que si quelqu'un était sur le sommet d'une montagne et qu'il a vu la caravane du messager d'Allah, alayhi sallam, passer à des kilomètres, et il demande, il dit c'est la caravane de qui? On lui dit la caravane du messager d'Allah. Et le messager d'Allah, il est là-bas, c'est celui que tu vois là-bas, des kilomètres. Ah, celui qui a le turban, par exemple, sur sa tête. Là. Donc celui-là, il deviendrait un compagnon. Alors que ce n'est pas vrai. Le compagnon, c'est celui qui doit yani, se réunir avec lui, s'asseoir auprès de lui, être debout devant lui. Yani, ils sont là, tous les deux, dans la même assise. Dans la même assise, ne serait-ce qu'une seconde. Ne serait-ce qu'une seconde, et il se lève. Et il part, et il meurt. Il meurt comme ça, croyant. Celui-là, c'est un compagnon. D'ailleurs, on est toujours à la première condition. La première condition, on a dit, il doit se réunir. Se réunir avec qui? Avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on a dit avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire qu'il faut que, pour devenir compagnon, il faut que, lorsqu'il soit en présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faut que le messager d'Allah, alayhi wa sallam, soit messager. Soit messager. Certains vont dire, comment donc? Est-ce que c'est possible qu'il ne soit pas messager? On dit naam. Pourquoi? Parce que il est possible que quelqu'un, il est possible que quelqu'un se réunisse avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais avant qu'il ne devienne messager. Naam. Yani le messager d'Allah, alayhi wa sallam, est devenu messager à quel âge? À 40 ans. Imaginez que quelqu'un rencontre le messager d'Allah à 35 ans. Il s'assoit avec lui, il l'invite à la maison, etc. Ensuite, cette personne va mourir. Est-ce qu'on va dire que cette personne c'est un compagnon? Ce n'est pas un compagnon. Pourquoi? Car dans les conditions qu'on vient de citer, et c'est là aussi la première condition, il faut qu'il se, c'est la deuxième, il faut qu'il se réunisse avec qui? Avec le messager d'Allah, c'est-à-dire en tant que messager, pas en tant que yani, une personne normale comme nous. Et ici, Cheikh Ibn Outaymin, dans un autre livre qui s'appelle Sharh al-Usul min 'ilm al-Usul, il a posé une question. Il a dit: وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟ يعني حضر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit maintenant, on va poser une autre question. Et si quelqu'un venait à se réunir avec le messager d'Allah, alayhi sallam, après sa mort. Et lorsque le messager d'Allah, alayhi sallam, est mort, avant qu'on l'enterre, hein, il s'est trouvé en sa présence. Il est là, devant son corps, devant son cadavre, allez, si je puis dire. Mort. Il a dit, est-ce qu'on dit de celui-là que c'est un compagnon ou pas? Parce qu'il a rempli certaines conditions. Laquelle? La première, il a été en sa présence. Et la deuxième, en tant que messager. C'est un messager qui vient de mourir, ce n'est pas une personne. Est-ce que donc, il devient un compagnon? Il ne devient pas. Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, dit il y a divergence dans cette question, si je puis dire. Là, il y a une divergence entre les savants. Et il a choisi, alayhi rahmatullah, il a choisi l'avis qui dit que il n'est pas un compagnon. C'est-à-dire que pour qu'il soit un compagnon, il faut qu'il le rencontre vivant. Il faut qu'il le rencontre vivant. Ensuite, Cheikh Ali Rahmatullah pose une autre question. Non, pose une autre question. Il dit: وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية مثل عيسى بن مريم، فإنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم حي بلا شك لأنه سوف ينزل في آخر الزمان، فهل نقول إن عيسى صحابي؟ نعم. الشيخ بن عثيمين الله يرحمه a posé une autre question. نعم، il a dit: est-ce que le fait de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de le rencontrer vivant, mais pas sur terre, pas sur terre, comme par exemple lorsque le messager d'Allah, quand il est monté dans les cieux, par exemple le jour de l'ascension, il a rencontré beaucoup de prophètes, il a rencontré par exemple, hein, tous les prophètes. Est-ce que ces prophètes-là, on va dire d'eux, ce sont des messagers parce qu'ils ont rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vivant? Ou bien a-t-il dit: sur terre, hein, quelqu'un va rencontrer le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam sur terre, mais celui qui va le rencontrer n'est pas une personne normale. C'est yani, dans le contexte du miracle. Comme qui? Comme Isa alayhi sallam. Isa alayhi sallam, que les chrétiens appellent Jésus. Isa alayhi sallam. Hein, vous savez que il a rencontré le messager d'Allah alayhi sallam sur terre. Avant quoi? Avant de faire l'ascension. Hein? Et que yani, le messager d'Allah a fait la prière et a guidé beaucoup de prophètes derrière lui, entre autres Isa alayhi sallam. Et Isa est vivant. Et Isa, vous savez qu'il est vivant. Si quelqu'un dit que Isa est mort, ou bien c'est un djahel, c'est un ignorant, on lui apprend le din, on lui apprend le verset qui dit wa masalabu wa maratalu, walakin shubbiya, on dit l'autre verset qui dit que walakin rafa'ahu Allah ilayh, walakin rafa'ahu Allah ilayh, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Donc Isa alayhi salam est vivant et il va redescendre. Est-ce que le fait que Isa alayhi salam soit vivant et que d'un autre côté qu'il ait rencontré le messager d'Allah sur terre, est-ce qu'on va dire que Isa alayhi salam c'est un compagnon? C'est ça la question. Parce que jusqu'à de nos jours, certains savants, quand ils font comme ça, yani, des petites distractions avec leurs élèves, des jeux, des devinettes, etc., ils disent comme ça, comme question, comme devinette, ils disent: quel est le compagnon du messager d'Allah, qu'Allah l'agré, le compagnon qu'Allah l'agré, qui est vivant jusqu'à de nos jours? Et beaucoup vont s'étonner. Subhanallah, quel est le compagnon qui est vivant jusqu'à nos jours? C'est qui? Abu Huraira, Abu Affan, Ali ibn Abi Talib, qui c'est? Commence à chercher. La réponse est qui? Hein? La réponse est Isa ibn Maryam. Hein? C'est Isa ibn Maryam pour certains. Mais regardez Cheikh Ali Ahmadullah, ce qu'il va dire. Il va dire: vous avez entendu la question, et vous m'avez entendu ce que je disais, pour savoir si tout marche bien, inshallah ta'ala, vous avez entendu la question, alhamdoulilah. Tayyib, Cheikh ibn Uthaymeen Allah yarhamou va répondre à la question: est-ce que Isa alayhi salam est un compagnon? Il va dire: نقول هو في رتبة أفضل من الصحبة، ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولو كان عيسى صحابيا لكان خير هذه الأمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان عيسى بوصف أعلى من وصف الصحبة نقول هو نبي وهو أعلى، وهو أعلى من هذا، بل هو من أولي العزم، أي في أعلى مراتب الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمن تحدلق من متأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر عمر وهو عيسى بن مريم، فنقول له إيه لا فونس ريبون. دونك الشيخ علي رحمة الله نعم a dit que la vie le plus sûr c'est de ne pas dire que عيسى بن مريم c'est un compagnon. Pourquoi? Parce que عيسى بن مريم il est dans un rang plus élevé que le fait d'être compagnon. C'est quel rang? Il est dans le rang de la prophétie. Il est prophète. Il n'est pas seulement compagnon. Si tu dis de lui que c'est un compagnon, donc tu l'as fait descendre de son rang. Tu l'as fait descendre. Non. Il faut dire quoi? Il faut dire que c'est un prophète. Ce n'est pas un compagnon. On dit premièrement. Deuxièmement, quel est l'autre délire que ce n'est pas un compagnon? Le deuxième délit que ce n'est pas un compagnon, c'est que tous les compagnons radiyallahu ta'ala anhum du messager d'Allah alayhi salam salam sont unanimes pour dire quoi? Sont unanimes pour dire que le meilleur compagnon après tous les prophètes, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le meilleur compagnon. Naam. Fi hadhihi al-umma, de cette nation, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc, si Isa alayhi salam était un compagnon, il n'aurait pas dit que le meilleur compagnon c'est Abu Bakr. Il aurait dit le meilleur compagnon c'est Isa alayhi salam. C'est le premier délit. Le deuxième délit, c'est celui que j'ai cité, que le fait d'être prophète c'est plus élevé que le fait d'être quoi? D'être un compagnon. Naam. Maintenant, tout cela pour dire que il doit, pour être compagnon, il doit se présenter auprès du messager d'Allah et croire aussi et attester qu'il est un messager d'Allah. Pourquoi? Parce que Abu Jahl s'est présenté des centaines de fois, si ce n'est pas des milliers, au messager d'Allah, ils ont discuté, ils se sont assis ensemble, etc. Est-ce que Abu Jahl ou l'Abu Lahab, les grands koufars, est-ce que ce sont des compagnons? Non, et jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rempli l'autre condition, laquelle il faut que lorsque tu rencontres le messager d'Allah alayhi wa sallam, tu le rencontres en attestant qu'il est messager d'Allah. Et c'est pas en attestant qu'il est quoi? Qu'il est un menteur, ou là qu'il est un sorcier, ou là qu'il est un charlatan, ou là qu'il est un voyou, ou là je sais pas. Il faut que lorsque tu le rencontres, tu attestes dans ton cœur, au moins dans ton cœur, qu'il est quoi? C'est un messager d'Allah. Sinon quoi? Sinon, tu n'es pas un compagnon. Et enfin, pour être compagnon, il faut quoi aussi? Maintenant, on a rempli les trois conditions. On a rencontré le messager d'Allah, on l'a rencontré de notre vivant, c'est-à-dire, on l'a rencontré quand il était messager, et non pas avant d'être messager, et non pas après qu'il soit mort. On l'a rencontré en attestant qu'il est messager. Enfin, reste la dernière condition, il faut qu'on meure avec cette conviction. C'est-à-dire, s'il a rempli toutes les conditions, mais il est mort après s'être apostasié, après qu'il ait dit, classe, je ne forme plus en cet islam, et il meurt, il n'est plus sahabi. L'islam lui retire le statut de compagnon. Pourquoi? Parce qu'il est mort kafir. Il faut mourir musulman. Il faut mourir musulman. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Furqan 23. On est allé vers ce qu'ils ont fait comme action et on a rendu comme ça de la poussière. La poussière éparpillée. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah Ta'ala dit, et quiconque s'apostasie et meurt kafir, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ, ceux-là حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ceux-là leurs actions descendent, leurs actions deviennent nulles dans cette vie et dans l'au-delà. Et quand on est compagnon et on devient kafir en apostasie, on a tout perdu. Maintenant, si on se concerne le compagnon et qui est le compagnon. Maintenant, il dit wa ahlu sunnati, Cheikh Islam montre que wa ahlu sunnati wal jama'ati wasatun fihim bayna ar-rafidati wal khawarij. Maintenant, quel est la position des gens de la sunna et du consensus vis-à-vis des compagnons? Vous avez vu que yani, ils sont toujours au juste milieu dans la aqida, dans tout ce qu'on a vu. Maintenant, en ce qui concerne les compagnons, sont-ils toujours les gens de la sunna sont-ils toujours au milieu? Réponse: Naam, ils sont toujours au milieu. Au milieu de qui? Entre qui et qui? Ils sont entre les rafidites, les rafidas, et entre les kharijites. Les sunna ou jama'a sont au milieu. Entre les rafidas et entre qui? Les kharijites. Ce sont qui? Les rafidas. Les rafidas, en français, on les appelle les contestataires. Les contestataires. Ils ont contesté et refusé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont contesté? Donc les rafidas, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah dit, هم الذين يسمون اليوم شيعة. Ce sont ceux qui de nos jours se font appeler les Shia, les chiites, les chiites. Ah. Moi je voudrais dire que en fait, en vérité, ce ne sont pas des chiites. Ah. Il faut les appeler par leur nom, les contestataires, les rawafid. Il ne faut pas dire les chiites. Car en fait, comme a dit un grand savant, je crois que c'est Fawzan Hafidhahullah, si je n'ai pas oublié, il a dit, en fait, les chiites, c'est nous, c'est pas eux. Non, c'est nous les chiites, c'est nous qui aimons les gens de la maisonnée du messager d'Allah, Al-Bayt. Quant à ceux-là, ce ne sont pas les chiites, ce sont, il faut les appeler les rawafides, rawafides, les contestataires, ceux qui insultent les sahabas, ceux qui maudissent les sahabas. Non. Donc on les appelle, il faut les appeler par leur vrai nom, Al-Rafida. Non, Al-Rafida et Al-Rawafid. Al-Rawafid. Pourquoi on les appelle Rafida? Beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi on les appelle Rafida? En fait, ce sont ceux qui montrent un zèle extrême et outré dans la vénération de la famille du prophète, en accusant d'impiété ou de perversité le reste des compagnons. Non. Ils comprennent de nombreuses sectes, dont Al-Ghulat, les extrémistes, défie même Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi on les a appelés Rafida, contestataires? Pourquoi? Parce qu'ils ont contesté et refusé la réponse de Zayd ibn Ali. Vous connaissez qui est Zayd ibn Ali? Zayd ibn Ali. Ali qui? Fils de Hussein. Hussein, fils de qui? Fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala. Donc ils ont contesté la parole de Zayd ibn Ali, ibn Hussein, ibn Ali. Hein? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a demandé son avis, c'est-à-dire l'avis de Zayd, on lui a demandé son avis sur Abu Bakr et Omar, en espérant qu'il les insulte. Hein? On a dit à Zayd, que pensez-vous? Qu'avez-vous? Que disiez-vous sur Abu Bakr et Omar? Ils ont dit, on espère qu'il va les insulter, comme nous on les insulte. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il invoqua Dieu de leur accorder sa miséricorde. Tarham alayhima. Et il rendit hommage à leur mémoire, si l'on peut dire. Alors, ils rejetèrent son avis. Et ils l'ont isolé. Et ils l'ont mis en quarantaine. Depuis ce jour-là, on les a appelés Rawafid, les contestataires, les refuseurs. Ils ont refusé qui? Ils ont refusé ce qu'a dit Zayd ibn Hussein ibn Ali quand il a dit sur Abu Bakr et Omar qu'Allah Ta'ala les a créés. Alors ils ont dit, celui-là, on ne va plus le suivre. Et ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont exilé, isolé. Depuis ce jour-là, on les a appelés Rawafid. Naam, Rawafid. Et leur doctrine, bien sûr, leur doctrine, hein, concernant les attributs, sont diverses. Certains sont assimilationnistes, ou shabbiha. D'autres, négateurs des attributs, hein, mu'attila. Et la plupart de nos jours, sont quoi? Sont des adorateurs de temps, des mouchrikons, des innovateurs, des bid'a. Non, se trouve chez ces gens-là. Non. Leur aqida et leur secte, elle vit le jour pour la première fois, lors du calife Ali ibn Abi Talib, quand Abdullah ibn Saba, le juif Abdullah ibn Saba, a dit à Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu es le Dieu, tu es le Dieu. Sur ce, Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, ordonna de les brûler vifs, poussant leur chef Abdullah ibn Saba à la fuite vers Medina. Vers Medina. Donc, pour que vous sachiez que cette secte Rawafid, l'une des plus dangereuses de notre temps, bien sûr, c'est quoi? C'est que elle a commencé par qui? Ça vient de, elle vient de qui? Elle vient des juifs, Abdullah ibn Saba. C'est le premier qui a dit à Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, tu es un dieu. Tu es un dieu. Non. Et comme j'ai dit, ceux-là, yani, ils ont plein de shirk et d'innovation dans leur bid'ah, dans leur aqida. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmou, dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamou, dit, هؤلاء الروافض والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم ومن أقبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام وأنه لا يقول خطأ وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة والنبي عليه الصلاة والسلام يتلقى بواسطة الرسول وهو جبريل ولا يخطئ الإمام عندهم أبدا بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق يقول لشيكون فيكون أعوذ بالله. نعم. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen dit, Allah yarhamou, les Rawafid qui habitent aujourd'hui en Iran, bien sûr, en Iran, ils se trouvent partout dans le monde, l'homme usul ma'roufa, ont des bases, etc., non, très très connues. Non, c'est quoi? Min akbah usulihim, des plus yani, vilaines, yani règles de leurs règles, les plus yani, je puis dire dévies, c'est quoi? Chez eux, l'imamatu allati tatadammanu 'ismat al-imam. Chez eux, il y a ce qu'on appelle l'imama. On dit X, c'est un imam. Celui qui commande les musulmans, hein, c'est un imam. C'est pour ça que vous remarquez que beaucoup de gens de nos jours, même des salafis comme ça qui peuvent se tromper, quand ils parlent de, par exemple, Omar ibn Khattab, ils disent Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. S'ils disent Abu Bakr, ils disent Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. S'ils disent Uthman, ils disent Uthman radiallahu ta'ala anhu. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas trompés. Mais s'ils disent Ali, ils disent l'imam ou Ali radiallahu ta'ala anhu. Vous voyez, ils ont dit l'imam. C'est comme si les trois autres n'étaient pas des imams. Donc ceux qui disent imam comme ça, bien sûr beaucoup de gens le font sans le vouloir, mais les rawafid le font exprès. Ils disent imam. Pourquoi ils ont dans leur aqida, dans leur secte, quelque chose qui s'appelle imama, il faut dire imam. Non. Donc pour eux, il y a ce qu'on appelle imam, non, et cet imam pour eux, qui est le commandeur des croyants, لا يقول خطأ معصوم infaillible ne se trompe jamais. Et chez eux toujours, chez ce qu'on appelle maintenant les chiites de nos jours, chez eux celui qui est imam est plus élevé de rang que celui qui est messager. Subhanallah al-Azim. Naam. Pour les chiites, celui qui est imam est quoi? Plus élevé que celui qui est messager, celui qui est prophète. Pourquoi? Parce que l'imam, yatallaqa 'an Allah mubashara, l'imam, c'est Allah Ta'ala qui lui révèle directement, alors que le messager, on lui révèle par intermédiaire. Il y a entre Allah Ta'ala et le messager, il y a Jibril alayhi salam, il y a l'intermédiaire. Et s'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est mieux. Alors, puisque l'imam, on lui révèle sans intermédiaire, donc il est mieux que qui? que le messager. Non. Et certains même, certains extrémistes vont plus loin. Non seulement ils disent que l'imam est infaillible, il ne se trompe jamais, mais pire encore, ils disent que l'imam, c'est lui qui crée. C'est lui qui crée. Na'oudou billah, na'oudou billah, na'oudou billah. Ils disent quoi? Ils disent l'imam crée. Non. Et si certains entendent des choses pareilles, peut-être qu'ils disent que ce n'est pas vrai et que les gens de la sunna exagèrent. Ils disent que certains chiites ou là disent que l'imam crée, ils disent que c'est pas vrai. Et moi, je peux vous jurer sur Allah Azzawajal que j'ai entendu une cassette, que j'ai entendu une cassette de mes propres oreilles quand j'étais au Koweït, et que l'un de leurs chefs, de leurs pseudo-savants, non, qui ne connaît même pas comment on fait des ablutions. Le Moïm, qu'est-ce qu'il dit dans la cassette? J'ai entendu de mes propres oreilles, il dit, en parlant de, comment qui s'appelle, Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala, hein? D'abord, il le maudit. Il dit, que Allah te maudisse, ya Sa'd ibn al-As. Afoul, ya Amr ibn al-As. Et moi je dis, que Allah te maudisse, toi, qui a dit cette phrase. Que Allah te maudisse, toi, qui a dit cette phrase sur Amr ibn al-As. Après l'avoir maudit, il dit comme ça. Il dit, ne sais-tu pas, ya Amr, ne sais-tu pas que une main, que la main, vous l'attendez, la main de qui elle est, la main de qui, ne sais-tu pas que, je crois que c'est la main du messager d'Allah. Il dit, ne sais-tu pas que la main du messager d'Allah est sortie de sa tombe, hein, est sortie de sa tombe, et qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur la main? Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur la main? C'était écrit, ya, ya Amr, non, ya Amr, atasubbu Aliyan wa qad khalaqak, comme ça, atasubbu Aliyan wa qad khalaqak, oh Amr, tu lui insultes, tu oses insulter Ali ibn Abi Talib, non, alors que c'est lui qui t'a créé, non, atal'anu bien atasubbu, atal'anu Aliyan wa qad khalaqak, oses-tu maudire ou bien insulter Ali alors que c'est lui qui t'a créé? Comme ça il dit, c'est lui qui t'a créé, c'est Ali qui t'a créé. Non. La hawla wa la quwwata illa billah. Laisser un coffre plus grand que ce coffre, de dire que Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, crie des personnes. Non. Al-Muhim, ils disent, wa yaquloun inna sahabata kuffar. Ils disent, les compagnons sont des kuffar. Les compagnons sont des kuffar. وكلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم et tous ont apostasie devenu kuffar après la mort du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم excepté combien? 7 ou 10 ou 12 entre autres Salman et la clique comme ça. Non, tous les autres sont devenus kuffar, tous les autres sont devenus et Abu Bakr et Omar عندهم كان كفيرين ومتعنفين et d'après eux Abu Bakr et Omar c'était des kuffar. Et bien sûr, ils sont morts kafir. Ils sont morts kuffar des deux. Non. Donc, Ahl Sunnah ou Jama'a, alhamdoulilah, sont au milieu. Entre ceux-là, qui? Les Rawafid. Les Rawafid. Qu'on vient de citer maintenant. Et leur grand chef, c'est qui? Vous connaissez leur grand chef, c'est qui de notre époque? C'est le Khomeini. Khomeini. Vous avez lu son livre. Beaucoup de livres. L'un des livres les plus connus s'appelle le Hukuma al-Islamiyya. Le Hukuma, gouvernement islamique. Lisez page 48. Moi, je l'ai lu le livre. Cherchez le livre dans le librairie. Peut-être que j'ai ajouté des choses. Non, peut-être que je suis en train de rêver. Lisez, achetez un livre qui s'appelle le Hukuma al-Islamiyya. Le gouvernement, je pense comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais je pense, je traduis de ma tête. Hukuma al-Islamiyya, le gouvernement islamique, hein, ou bien peut-être la gouvernance islamique. Vous lirez à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va dire entre autres? Il va dire que nos imams, nous les chiites, on a des imams, hein? Wa inna li a'immatina, yani en ce sens il dit madkhalan, madkhal, yani fi mana fi tassir, fi tassir l'alam. Ils disent que nos imams ont cette possibilité de gérer l'univers, c'est-à-dire ils font tomber la pluie, ils font marcher le soleil, ils font des nuages, ils font ceci. Et il dit aussi, dans ce livre même, il dit, et nos imams ont atteint un rang, hein, que ni un messager, ni un ange ne l'a atteint. Wa inna li a'immatina, hein, darajatun lam yablugha nabiyyun mursal wa la malakun muqarrab. Comme ça a dit comment il s'appelle, le Khomeini. C'est-à-dire nos imams ont un degré, un rang que ni un messager ni un ange n'est parvenu à ce rang. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel al-Khomeini. Alik. Hasbunallah wa ni'mal wakeel alik al-Khomeini. Hasbunallah wa ni'mal wakeel alik al-Khomeini. Na. Ce Khomeini, quand il était vivant, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi dans sa da'wa. Comme ça il a dit. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahmou a dit Al-Khomeini est devenu kafir. Il est devenu kafir. Il a dit cinq choses très graves. Entre autres, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le messager d'Allah n'a pas réussi dans sa da'wa. Allahu Akbar. Et moi, j'ai entendu quelqu'un, ou maintenant je commence à douter, ou bien je l'ai vu à la télévision, comme ça une polémique, Jidel avec un sunni. À 90% je l'ai vu, c'est pas seulement je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Il a dit Ya Mohamed, comme ça lui a dit Akhtata. Tu t'es trompé, comme ça trois fois. Et ensuite il a dit, tu n'as pas montré aux gens, n'am, yani d'une façon claire et clairvoyante. Lam tubayyin linnas bayanan shafiyan. Lam tubayyin linnas, oh messager d'Allah, tu n'as pas montré ce qu'il fallait montrer. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire tu as caché la vérité. Oh messager d'Allah, tu as caché. Il n'a même pas dit messager d'Allah. Oh Mohammed, tu n'as pas montré aux gens ce qu'il fallait montrer. Voilà ce que disent, hein, ces gens qui prétendent quoi? Qui prétendent qu'ils aiment le messager d'Allah et qu'ils aiment sa famille mieux que tout le monde. Voilà ce qu'ils disent. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve sur ces gens-là. Non. Et, Masakin, beaucoup de nos gens, jusqu'à de nos jours, croient que ce sont. C'est de l'Iran que l'islam va encore une fois se propager et que la doula islamia va venir de l'Iran. Masha'Allah, attendez que ça vienne de ceux qui insultent les compagnons et qui sous-estiment et méprisent le messager d'Allah. Attendez que l'islam vienne de leur côté. Naam, attendez. Ensuite, autre chose. Sachez aussi que, naam, attendez avant que j'oublie, sachez aussi que ceux qui croient que l'islam va venir de là-bas, sachez que le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y aura pas la fin du monde avant que vous ne tuiez les Perses. Et force, c'est qui? Les Perses, qui, si ce n'est pas les Iraniens? Mieux que cela et pire, est-ce que vous savez que l'Antéchrist, Messie Dajjal, est-ce que vous savez que il va sortir de Khorasan? Il passait par Isfahan, par l'Iran, hein? C'est de là-bas qu'il va sortir. C'est pour ça que la plupart des Iraniens suivront le Messie Dajjal lorsqu'il viendra. Et certains gens, jusqu'à de nos jours, Masakin, leur enlève la poussière de leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils croient que, s'appelle à la dernière qui m'en a toujours, je l'oublie. Comment il s'appelle la dernière qui m'en a. Non, j'ai oublié comment il s'appelle. Je sais que les savants m'appellent Nasrallah. Nasrallah. Parce qu'il défend Lett. Lett, c'est une déesse. C'est une déesse pour certains kofars. Comment il s'appelle Nasrallah. Non, il s'est appelé Nasrallah. Et les savants l'appellent Nasrallah. C'est pas Allah. Non. Certains croient en celui-là que c'est le grand grand leader des musulmans et que celui-là va combattre les juifs. Non. Celui-là va combattre les juifs et va y aller donner la victoire aux musulmans. Celui-là dans sa tête. Non. Moi je dis seulement une chose, si celui-là dans sa tête qui se trouve en Liban, si celui-là était une personne vraiment qui si je puis dire dangereuse par exemple pour les Américains ou pour les Juifs, est-ce qu'il est difficile pour les Américains ou là pour les Juifs de le tuer et de l'assassiner? Il est là tout le temps à la télévision, partout, de temps en temps, hein, et les Juifs, les Américains, bien sûr, tout ça, ça rentre dans la politique. Hein, mais regardez, jamais de sa vie il n'a été dans la liste des recherchés. En ce sens, je dis en ce sens, Ben Laden est mieux que lui. En ce sens, Ben Laden est mieux que lui. Pourquoi? Ben Laden, au moins, il est recherché. Il est dans la tête de ce qu'on recherche, de ce que les Américains recherchent. Il est à la tête, sur la tête, le premier de la liste. Mais est-ce que Nasrallah du Liban, s'il était dangereux, pourtant il est là, il a les armes, il a les bombes, il a tout. Est-ce que s'il était dangereux, il ne serait pas sur la liste? On le laisse comme ça, avec les bombes, avec les avions, avec. Si ce n'était pas un ami proche, hein, de qui? Des Américains. Dame, hasbounallah, ni'm al-wakil. Donc, Al-Sunnah ou Jama'a sont entre qui? Entre Al-Rawafid et qui? Et l'autre secte, Al-Khawarij, qu'on appelle aussi Al-Kharijit. Cheikh Al-Rahmoudi, وهم على العكس من الرافضة. حيث إنهم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية بن أبي سفيان وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم واستحلوا دماء المسلمين فكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رواه البخاري وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم فالشيعة غلوا في أهل البيت وبلغوا في ذلك حتى إن منهم من ادعى الألوهية علي ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم والخوارج بالعكس وأهل السنة والجماعة فكان وسطا بين الطائفتين donc أهل السنة والجماعة sont entre les Rawafid comme bien cité et les Kharijit. Les Kharijit c'est qui? Ce sont ceux qui sont sortis, c'est pour ça on dit Kharaja, le verbe Kharaja, sortir. Ils sont sortis pour combattre Ali ibn Abi Talib parce qu'il avait accepté l'arbitrage humain d'Hakim entre lui et Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Que font les Kharijites? Ils désavouent Uthman et Ali selon leur doctrine et ils préconisent la révolte, la rébellion contre l'imam, le chef de la communauté, s'il vient à agir contrairement à la sunna. Et ils frappent de la marque d'impiété le musulman qui commet un péché grave. Non, quiconque. Il a boire l'alcool ou l'a fait un vol ou là, ils disent il est devenu impie, c'est un kafir, et il va rentrer en enfer, il ne va plus ressortir s'il ne fait pas la tawba, et affirme sa damnation éternelle en enfer. Ils sont représentés eux également par de nombreuses sectes. Parmi les sectes les plus extrémistes, c'est l'Azariqa. Certaines personnes c'est qui le Qadiyadi? C'est la secte des Khawarij, bien sûr, une secte des Khawarij qui est connue pour faire exhorter les gens pour qu'ils fassent le djihad, mais qui eux ne le font pas. C'est pour ça qu'ils s'appellent Qadiyadi, ils sont là assis. Qa'ada en arabe, Qa'ada, il est assis. Donc ceux-là, il y a une secte parmi les Khawarij, très connue aussi. Elle est connue par quoi? Elle ne fait pas le djihad. Elle s'assoit, hein, et elle pousse les gens à faire le djihad. Allez faire le djihad, tuer les gens, hein, mettez des bombes, faites ceci, faites cela. Et eux, ils sont là, bien sûr, comme, c'est pas que je vous dise les noms, hein, Salah 19 et Wasmohadek de Boulhassan de Belgique, Palestinien numéro 8, et la clique, hein, tous derrière quoi? Derrière les micros, en train de siroter les jus et d'amasser les euros, hein, d'amasser les euros dans les pays de Kofar, les pays de Kofar, et derrière les micros, ils poussent les gens. Il faut tuer les bébés, il faut tuer les femmes, il faut égorger, il faut ceci, ce sont tous des Kofar, sauf nous, tout le monde est devenu Kofar, sauf nous, on n'est pas Kofar, hein, mais ils ne vont jamais, jamais, jamais, au grand jamais, au djihad. Mais, pire que cela, je dis que toute personne qui a été convaincue du djihad, nah, qui a exhorté des gens qui n'est pas parti vers le djihad, cette personne-là, nah, ce sera le jour où elle rencontre Allah, elle aura l'un des plus grands châtiments. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah taqulu ma la taf'alun. L'un des plus grands châtiments, c'est de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, et toi tu fais pas. Il faut aller au djihad, il faut tuer des gens, il faut égorger des femmes, il faut ceci, et toi tu restes derrière le micro en train d'amasser de l'argent et d'envoyer l'argent en Suisse. Non, c'est ça l'un des plus grands châtiments chez Allah subhanahu wa ta'ala demain quand ils vont le rencontrer. Qu'Allah azzawajal nous préserve de ces innovateurs. Qu'Allah azzawajal nous préserve et nos enfants de ces innovateurs. Non, qui amochissent l'islam et qui font de sorte que les ennemis s'acharnent sur l'islam. Ceux-là, hein, font de sorte ils croient qu'ils font quelque chose de bien. Mais ils font en fait quoi? Ils acharnent les kofars contre l'islam. Comme tu as de grandes récompenses si tu es la cause pour faire venir les gens vers l'islam, hein, par analogie opposée, qu'est-ce l'axe, tu auras de grands, grands, grands péchés si tu es la cause pour faire fuir des gens de l'islam. Allah Azza wa Jalla nous préserve des Khalidites et des Takfiriyin et des Rawafid et de tous les innovateurs. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mettez le Coran, inshallah ta'ala, on se rencontre dans 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Ah, Muslim, tu avais le mic, je ne pouvais pas le prendre. Ah, tu avais le mic, je ne pouvais pas le prendre. Ah, même moi. On va commencer, inshallah, bismillah ar-Rahim. Salat wa salam ala ashraf al-mursalin. Ce n'est pas la peine de vous dire que les questions doivent être sur la aqida, vous connaissez la règle. Et la règle, la deuxième règle, c'est que Nam, puisque le cours est en même temps sur le pas donc ici, puisque sur le Itchater il y a 38 personnes et que sur le pas donc il y en a 162, 163. Donc à chaque fois que deux questions sont posées sur le pas donc une est posée sur le Itchater. Fadal Inch'Allah, Nabda Inch'Allah avec l'Obeidallah. Et si Inch'Allah quelqu'un voit Ansariyatun, je ne sais pas comment elle s'appelle, Ansariyatun, que c'est la fille qui fait comme ça, qu'il me le dise Inch'Allah. Fadal, je lâche le mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son Inch'Allah? Salam alaykoum Cheikhana. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a selon les savants 7 ou 8 conditions dans la caractérisation du La ilaha illallah. La 8e condition parfois rajoutée qui est le fait de mécroire dans le Tarout n'est-elle pas la même que la condition de la sincérité qui revient à rejeter toute autre divinité? Jazakoum Allahu khayran. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Non, je voudrais dire, Inch'Allah, deux choses. La première, c'est que les conditions les 7 ou les 8, chez certains peut-être jusqu'à 11, hein, ne sont pas, n'ont pas été cités dans un hadith ou bien un verset. Ce sont les savants qui les ont regroupés comme ça, se basant, hein, sur la doctrine de Al-Sunnah ou Jama'a. C'est pour ça, c'est pour cela que, hein, il est possible que quelqu'un veuille rentrer en islam. Ensuite, on commence à lui dire il y a 11 conditions, il y a 13 conditions, il y a 15 conditions pour dire la ilaha illallah, et ça va lui compliquer les choses. Il va dire, moi je croyais que seulement il fallait attester et dire, et vous vous dites que, comme certains qui disent que par exemple pour dire Allahu Akbar, avant de rentrer dans la salat, pour dire Allahu Akbar, il y a 18 conditions. Ah là, alors les gens vont dire, non, c'est très difficile, etc. C'est pour ça que il faut savoir avec qui parler des conditions. Parler des conditions avec les talibés de l'ilm, les talibouïl, et comme ça, et pas avec yani, ceux qui ne comprennent pas ces choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une différence entre la sincérité et quoi? Et mécroire du taroute. Pourquoi? Parce que la sincérité veut dire par là que tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah Azzawajal. Mais il est possible que, même en faisant les choses pour Allah Azzawajal, parallèlement, tu n'as pas mécru au taroute. Le taroute, c'est le shaitan en général. Hein? Donc, il est possible que quelqu'un, tout en étant sincère, mais il n'a pas mécru au taroute. Donc, c'est pour ça que c'est une autre condition. Hein? Il faudrait d'abord mécroire, hein, et ensuite mécroire bien sûr au taroute et croire en Allah Azzawajal. Donc c'est une autre condition que la sincérité. La sincérité, c'est le fait que ce soit pour Allah, seulement pour lui. Hein? Et mécroire, c'est une autre, et mécroire au taroute, c'est une autre chose. Hein? Allah Azzawajal, Adam. Tfadl, inshallah, le suivant. Salam alaykoum wa rahmatullah. Oum Ibrahim 8, inshallah. À vous de poser votre question, inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Yachir, ma question concerne la demande d'aide à un tierce cité dans Usul Thalatha. Peut-on aider une personne endettée sachant qu'on dit d'elle qu'elle n'aime pas la salafia. Barakallahu fikum. Tfaddal cheikh pour le jawab. Jazakumullah khair. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. C'est quoi exactement la question? Je n'ai pas bien comprise. Ah, je n'ai pas bien comprise. Si tu peux m'expliquer un peu, tfaddal. Salam alaikum. Donc la question, cher, c'est demande de l'aide à une tierce personne. Donc une tierce personne, c'est-à-dire une personne qui est endettée, demande si on peut aider une personne qui est endettée à fond. Même si elle dit qu'elle n'aime pas la salafia, cette personne qui est endettée. Donc, je pense, si vous avez compris, cher, dites-le-moi. Je crois avoir compris. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que je peux aider une personne qui est endettée, mais cette personne est connue? Comme quoi elle déteste la salafia. Je crois que c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Donc je réponds d'après ce que j'ai compris. En fait, quelqu'un qui a connu la salafia ne peut pas la détester. Non. Celui qui déteste la salafia et les salafis, non, c'est parce qu'il n'a pas connu la vraie salafia et les vrais salafistes. Il a connu des gens qui se disent des salafis et qui ont amoché la salafia, qui ont amoché la salafia. Il est impossible que quelqu'un connaisse un vrai salafia, un vrai salafi ne l'aime pas. Il est impossible qu'une sœur connaisse une vraie salafia et ne l'aime pas. Il est impossible qu'un homme connaisse un vrai salafi et ne l'aime pas. Il est impossible que quelqu'un connaisse la salafia en tant que minhaj et n'aime pas la salafia. C'est impossible. Donc c'est quelqu'un hein, qui n'a pas compris la salafia ou croit que c'est ça la salafia. C'est pour ça qu'il la déteste. Ensuite, il faudrait dire que ceux qui détestent la salafia ne sont pas tous au même rang. Ceux qui la détestent, comme j'ai dit maintenant, parce qu'ils n'ont pas comprise, il y a ceux qui la détestent parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas de la salafia, même s'ils l'ont comprise. Ils disent, on n'aime pas la salafia, on n'aime pas les salafis, il faut les combattre, il faut leur faire ceci, il faut leur faire cela. Celui-là, on ne l'aide pas. Et l'autre, qui ne comprend rien de la salafia, qui dit, j'aime pas la salafia, parce qu'il ne l'a pas encore connue, celui-là, on peut l'aider pour lui montrer c'est quoi la salafia. En l'aidant, il va dire subhanallah, je croyais que les salafis étaient ceci, cela, alors que cette personne m'a aidé, m'a fait sortir du pétrin, m'a fait sortir de mes problèmes, m'a fait sortir. Hein, ce sera une façon de faire de la da'wa, bi'idhni azzawajal. Donc on voit, c'est qui cette personne qui n'aime pas la salafia. Est-ce que c'est une jahla, ou bien c'est une personne qui hein, elle sait c'est quoi la salafia et elle la combat. Si elle est comme ça, on ne l'aide pas. Si elle est comme dans le premier cas de figure, on l'aide, Inch'Allah ou Ta'ala. Tfadl, on passe maintenant à Salafia 31. Tfadl. Salam alaikum. Donc la question de Salafia 31, Inch'Allah. Cheikh, peut-on dire sur les Ikhwal Muslimin, la secte des frères musulmans, qui se disent faire partie de Al-Sunna al-Jama'a? La question est, Cheikh, elle demande si les frères musulmans font partie de Al-Sunna al-Jama'a. On me dit qu'ils font partie de Al-Sunna al-Jama'a. Si c'est une secte, sont-ils des kofars? Juste entre parenthèses, il n'y a qu'une seule Al-Sunna al-Jama'a. Donc ça veut dire que tous les autres... Tfaddal Cheikh Bijab, barakallahu fikoum. Il faudrait faire la différence quand on dit que quelqu'un ou l'aide de quelqu'un qui n'est pas de Al-Sunna al-Jama'a, hein, il faudrait faire la différence entre yani, quand on dit, ou l'axe, le contraire, quand on dit que X est de Al-Sunna, la différence entre dire il est de Al-Sunna et de dire il est de Al-Sunna al-Jama'a. Vous comprenez? Il y a une différence entre dire X est de Al-Sunna et Y est de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Les frères musulmans sont de Al-Sunna. Quand on dit Al-Sunna, ça veut dire qu'ils ne sont pas des chiites. Dire de quelqu'un qu'il est de Al-Sunna, ça veut dire qu'il n'est pas un chiite. Il est de Al-Sunna. Mais dire de lui qu'il est de Al-Sunna ou Al-Jama'a, ça veut dire ce qu'on appelle de nos jours, il suit le minhaj des salaf salaf. Les frères musulmans ne suivent pas le minhaj des salaf salaf. Les frères musulmans, dans leur doctrine, c'est quoi? C'est d'abord la politique. Le minhaj salaf salaf, c'est d'abord quoi? La aqida, pas la politique. Non. Les frères musulmans voient que pour arriver à l'islam et la gouvernance de l'islam, il faut non, commencer par la politique, le parlement, le vote, les manifestations, et comme ça jusqu'à ce qu'on arrive. Et les salafis disent non, on commence par l'aqida, on apprend aux gens le in, on leur apprend le comportement, et comme ça jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal prend la victoire. Fadwa inshallah ta'ala, le prochain. Fadwa. Oum Ibrahim 8, c'est à vous, inshallah. C'est bien ça, akhi muslim, alhamdulillah. Ah, d'accord. Donc c'est la suivante, c'est ça? Minhaj al-Haq, Adam. On n'a pas la même liste. Hein. Donc Adam, inshallah. Posez votre question. Dered là, tu l'as? Alhamdulillah. Salam alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Une sœur demande si elle peut retirer son hijab pour travailler. Son mari travaille, mais ne subvient pas à sa famille. Barakallahu fikoum, Cheikh. تفضل شيخ بارك الله فيك. نعم شيخ يبا نجا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En fait, une question pareille ne doit pas être posée, inshallah ta'ala, pour quelqu'un qui est dans le minhaj et quelqu'un qui a quelqu'un qui lui a fait descendre yani, la saveur de la foi sur le cœur. Retirer le hijab, c'est donc quoi? C'est donc jeter le premier pas dans l'enfer. Jeter le premier pas dans l'enfer. Retirer le hijab, c'est avoir jeté le premier pas dans l'enfer. Il reste seulement mourir pour jeter le deuxième pied, que Allah Azza wa Jalla nous préserve. Le mari ne subit, comment qu'elle a dit? Le mari ne subvient pas, ou ne subvient pas, ou je n'ai pas trouvé le mot là. C'est-à-dire que le mari n'arrive pas à se suffire. Ce n'est, Inch'Allah Ta'ala, qu'une épreuve. Ne subvient pas. Ce n'est qu'une épreuve. Que doit-on dire des Sahaba qui vivaient, comme dans Sahih Bukhari, certains Sahaba sont restés 18 jours à manger une date par jour. Imaginez, 18 jours, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent une date, chacun il mange une date par jour. Le compagnon disait, on prenait la date et on la suçait comme le bébé suce la poitrine de sa mère. Comme le bébé il prend, comment ça s'appelle avec la tête, la poitrine de sa mère, il commence à sucer. Il a dit, comme ça on prend la date, on la met entre nos lèvres et on la suce, ensuite on la cache. Puis 2 heures après, on la tire, on la suce un peu, on la cache. Imagine une date. Je dis à cette sœur qui a posé cette question, est-ce qu'elle mange une date par jour? Je suis sûr que non. Je suis sûr qu'elle mange plus qu'une date par jour. Je suis sûr qu'elle mange tous les jours, bidnatana, le pain. Et que peut-être tous les jours, le pain et une soupe. Peut-être tous les jours, le pain et une soupe et un fromage, peut-être. Non. Donc, il ne faut pas, inshallah ta'ala, que cette dunya rentre dans nos cœurs au point où on est poussé à faire quoi? À faire les grands péchés. Enlever le hijab est l'un des grands péchés qui interdisent le jour de la résurrection à la femme de rentrer au paradis. Donc si cette femme ne veut plus aller au paradis et ne cherche plus le paradis d'Allah et qu'elle est intéressée par le paradis de cette dunya, alors dans ce cas, qu'elle jette le hijab et qu'elle l'enlève. Mais moi je lui ai dit, ma soeur, fais beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a dit, Fabtahu inda Allah al-rizq wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Il a dit, Fabtahu inda Allah al-rizq. Si tu veux les biens, Fabtahi, cherche-le chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas en travaillant. Il a dit, Fabtahu inda Allah al-rizq wa'buduhu et adore-le. Subhanallah, adore-le. C'est en adorant Allah Ta'ala que Allah Ta'ala nous ajoute dans le risque. Ce n'est pas en faisant les ma'asi, en faisant ce que Allah Ta'ala interdit, en faisant les grands péchés, que Allah Ta'ala va nous ouvrir les portes et va nous enrichir. Que Allah Azza wa Jal renfermisse nos cœurs et renfermisse le cœur de cette sœur et lui ouvre ses portes de bien et sur ses portes de risque jusqu'à ce qu'elle n'aille pas travailler et qu'elle ne jette pas, qu'elle ne lâche pas son hijab. Le prochain. Minaj al-Haq. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Yachir, puis-je vous poser 2 questions? Une pour moi en rapport avec l'aqida et une autre pour une amie qui n'a pas le pal en rapport avec le voisin. Barakallahu fikoum. Donc, Cheikh répondra, Inch'Allah. Posez déjà votre question, Inch'Allah. D'après le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant d'Adam naît selon la fitra. Yani, Al-Fitra. Et ce sont les parents qui en font un juif, un chrétien ou Majus. Ma question ici est, à partir de quel âge on peut considérer que l'enfant n'est plus sur la fitra? Si c'est à l'âge de la raison, admettons 7 ans, peut-on faire doua et le considérer comme musulman en sachant que les parents sont kofar? Exemple, s'il meurt avant cet âge, doit-on faire salat janaza? A-t-il donc les mêmes droits que les musulmans avant cet âge? J'espère que ma question a bien été formulée. À la compréhension, Ahsanallahu ilaykoum ya shaykh. Tfaddal shaykh biljawab, jazakumullah khair. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كما دي لو حديث دو ميساجي الله صلى الله عليه وسلم كل بيرسون ني افيك لا فيترا لا فيترا كما دي ابن القيم وبوكو دوك سي الاسلام كل بيرسون ني مسلمان نعم maintenant si cette personne meurt avant l'âge de la puberté et que cette personne vivait entre des kofars نعم on ne va pas faire la Geneza sur elle. Pourquoi? Parce qu'il vivait avec des parents koufars, mais n'empêche qu'il sera au paradis. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Dereri Dereri koufar, donc il a dit Khadamu ahli jannah. Non. Hadith se trouve dans Sahih al-Jannah du Sheikh al-Albani. Les enfants des kofars seront non, les serviteurs des gens du paradis. C'est-à-dire toute personne qui meurt avant la puberté, tout enfant qui meurt avant la puberté, il est au paradis. Que ce soit un musulman ou un kafir. S'il est un kafir, il sera le serviteur. S'il est un musulman, ce sera celui qui sera servi. Non, c'est cette différence. Mais s'il meurt entre des kofars, on ne fait pas sur lui la Geneza, même si quoi? Même s'il n'a pas de péché, parce qu'il n'est pas pubère, et même s'il va aller au paradis de l'autre côté, c'est quand il sera pubère, on peut dire que maintenant, ça commence à marquer contre lui. Ça commence à marquer contre lui. Car s'il n'est pas pubère, ça marque seulement pour lui, pas contre lui. Et pour la question de la voisine, on va faire seulement une exception aujourd'hui, hein? Sinon on ne l'aurait pas fait. Atfadli. Pourquoi je dis comme ça? Parce qu'il y a des gens qui attendent pour poser leur question. Hein? Et une seule question, ils ne vont pas la poser. Atfadli. Inch'Allah, vous avez compris la réponse, Inch'Allah. Donc le cheikh a dit oui pour la deuxième question, allez-y, posez-la, inshallah, pour la voisine. Concernant le voisinage, allez-y. Donc, on a la question, cheikh. Une sœur demande, elle a un voisin d'origine algérienne qui fait le jeûne, mais elle ne sait pas si elle prie. De plus, elle ne met pas le voile. Et dernièrement, cette voisine lui a apporté de la nourriture. La première fois, elle a jeté la nourriture car elle ne savait pas si la viande était halal. Et la deuxième fois, la nourriture s'est abîmée en la laissant au frigo. La sœur voudrait savoir. Donc la sœur a laissé la nourriture dans le frigo s'abîmer. Et la sœur voudrait savoir. Quelle doit être son attitude la prochaine fois qu'elle reçoit cette nourriture de cette voisine? Barakallahu fikum, cheikh. Tfaddal, cheikh, bil jawab, jazakallahu khair. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Naam. Cette personne, inshallah ta'ala, doit manger de cette nourriture et ne pas la jeûner. Pourquoi? Parce que premièrement, la voisine est d'Algérie. Et l'Algérie, c'est connu que ce sont les musulmans qui vivent en Algérie. Celui qui dit que X en Algérie n'est pas un musulman, c'est lui qui doit donner une preuve. C'est un pays musulman. Tous les gens sont des musulmans, sauf l'exception avec Delhi. Deuxièmement, elle dit elle-même qu'elle fait le jeûne. C'est l'un des piliers, nam, de l'islam. Nam. Donc, le kafir n'est pas fou d'aller jeûner pendant le ramadan. Le kafir n'est pas fou d'aller jeûner. Le kafir n'est pas fou d'aller jeûner. C'est pour ça qu'elle doit manger, inshallah ta'ala, et, comme on dit en arabe, tuhsinu dhamna biha. Tuhsinu dhamna biha, la jazayri yawm min balad muslim. Hatta tuthbita aksa dhalik. Elle doit yani, bien penser d'elle jusqu'à ce qu'elle ait la preuve que c'est une kafira. Là. والله عز وجل أعلم فقيرة إلى الله تفضل J'ai repris le mic en attendant que Fakira il la pose la question. Je ne sais pas si elle a le raid ou elle l'a pas. Vous voyez si elle a le raid, vous lui enlevez. J'ai pris le micro juste pour vous avertir deux choses. Le Rabbi Ibn al-Qayyim, si vous êtes là, vous m'attendez après le cours. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, j'avertis tout le monde que si jamais je me déconnecte et vous voyez que je ne suis pas rentré, ça veut dire que je n'ai pas pu. Parce que j'entends dehors un grand, très grand vent. Un très grand vent. Hein, quand il y a un très grand vent, une très grande pluie, c'est vraiment difficile à connecter. C'est pour ça que je profite pour dire que si vous ne voyez pas comme ça des jours et des jours sans connexion, ça veut dire que c'est à cause du mauvais temps. Tfadzal li, inshallah ta'ala, tfadzal. Donc voilà la question de Faqira ilallah. Donc, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai beaucoup de wesh-wesh dans la aqida et des pensées très graves envers Allah azawajal. Envers Allah jalla wa ala. Plus j'augmente en pratique religieuse, plus ces pensées augmentent. Alors, la personne dit, j'ai fait beaucoup d'invocations et je lis Sourate al-Baqarah tous les jours. Des fois, je me dis que je suis sorti de l'islam et que cela ne sert plus à rien de pratiquer les adorations. Quelles sont les solutions pour que cela s'arrête? Jazakumullah khair. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Avant de répondre à cette sœur, je voudrais que vous me disiez, que vous qui connaissez l'anglais, c'est quoi le message qui sort sur le Ichatarada? Où c'est dit qu'à partir de demain, je ne sais pas ce qui va se passer. De demain, je crois que vous n'allez pas pouvoir connecter, mais je ne sais pas quoi. De toute façon, ceux qui sont sur le programme Ichatarada savent que toutes les demi-heures, il y a un message qui sort en anglais. Je ne sais pas ce qu'il veut dire en anglais, si quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, peut nous le dire. On revient, Inch'Allah Ta'ala, à la sœur, pour lui dire que le ouswes, nam, est toujours avec le musulman et ne le quittera pas. Car les messagers, les compagnons du messager d'Allah, eux-mêmes avaient le ouswes. Et, comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, on lui a dit, pourquoi les Yahoud n'ont pas de ouswes? Pourquoi les musulmans ont les ouswes et les juifs n'ont pas de ouswes dans la Aqida et dans le cœur islam? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, nous a répondu, Naam, en fait, ça, les juifs n'ont pas de ouswes. Pourquoi? Il a dit, que va faire le shaitan dans un cœur, Naam, qui est, yani, tout, yani, shirk et innovation et ceci et cela. Que va faire le shaitan dans un cœur d'un juif? Le shaitan va dans le cœur du musulman, de celui qui cherche le tawhid, de celui qui veut apprendre la aqida, de celui qui veut se rapprocher d'Allah, c'est vers lui qu'il va pour lui faire des problèmes. Le juif, classe, s'il meurt, c'est l'enfer éternel. Le shaitan l'a déjà dans la poche, il ne va pas lui faire les ouswas. Il va chercher le musulman qui veut Allah, qui veut le paradis, qui veut se rapprocher, qui veut. Celui-là, il va lui faire les ouswas. C'est pour ça que le messager d'Allah, ça m'a dit dans le hadith sahih, que le shaitan n'arrêtera pas de vous dire qui a créé ceci, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, jusqu'à ce qu'il vous dise par exemple, et qui a créé Allah? Et qui a créé Allah? Beaucoup de gens restent comme ça, des fois, il y a des heures et des heures à penser, et qui a créé Allah? Ta'ala. Il a dit, si vous sentez une chose pareille, dites quoi? Dites que, il y a comme il a dit dans le hadith, Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, wa Lam Yulad, wa Lam Yakun Lahu, Kufuwan Ahad. Donc c'est l'une des solutions. Il dit quoi? Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Aussi de lire beaucoup et aussi qui est loin du shaitan, avec Bakara comme tu dis. Il y a aussi une autre solution, c'est quoi? C'est de ne pas rester beaucoup seul en train de méditer, mais c'est d'être toujours occupé. Occupé à lire, occupé d'être avec des frères et des sœurs, ou bien des sœurs, occupé à écouter des dos, c'est comme ça. Plus on est seul, comme a dit le messager d'Allah, c'est ça, il n'a shaitan ma al-wahid, ou min itnaini abad, on est content. Donc, on a certaines, et on a bon compagnie, certaines conditions, inshallah ta'ala, mais sache enfin, sache que jamais tu ne sortiras de l'islam, non, sauf si toi, c'est toi qui le veux, sauf si c'est toi qui dis, je veux sortir de l'islam. Si jamais tu ne veux pas, inshallah, tu ne veux pas, jamais ni le shaitan, ni quelqu'un ne peut te faire sortir de l'islam, parce que ni le shaitan, ni aucune personne n'a de pression sur ton cœur, il n'a d'influence sur ton cœur. Seulement Azzawajal à tous les cœurs, tous les humains entre deux vos doigts. Là, c'est lui seulement qui détient les cœurs. Donc, sois rassuré que tu n'es pas sorti de l'islam et que tu ne sortiras pas de l'islam, bidoullah. Tant que ce n'est pas toi qui le veuille. Bidoullah Azzawajal. Allah Azzawajal, il nous fait bidoullah et qu'il raffermisse ton cœur et nos cœurs et qu'il t'ajoute dans la foi et qu'il éloigne de toi tous les waswas. Waswas al-khannas. Là. Afadlan, inshallah ta'ala, au suivant. Et je dis à ceux qui m'envoient comme ça, des whispers, pour me demander qui je suis, ceux-là qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué que sur la bannière, c'est écrit www.tielavivron, ça, vous cliquez là-bas, vous cliquez sur Tielavivron. Si ça ne marche pas, le lien ne marche pas sur le e-chat, il marche sur le palton. Ou bien vous écrivez carrément, vous ouvrez une page sur l'internet, vous écrivez www.tielavivron.com. On passe sur la table au suivant. La question suivante, c'est Guigui, 83460. Salam alaikum. Donc la volonté universelle représente tout ce qui se passe dans l'univers et sous la volonté d'Allah Azzawajal. Mais quand on dit sous la volonté d'Allah, cela représente que c'est Allah qui nous impose de faire tel ou tel acte, ou bien on fait les actes de notre plein gré. Et Allah le sait. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Cheikh, et qu'Allah vous remercie pour la science que vous nous apportez. Voilà, Cheikh, inshallah, je vous laisse le micro, inshallah. Barakallahu fikum. En fait, la volonté universelle et la Deltonia, cela veut dire que rien ne peut se passer dans ce monde si Allah Ta'ala ne le voulait pas. Mais cela ne veut pas dire que si une chose se passe par la volonté d'Allah, que Allah Ta'ala aime cette chose. Mais ce que Allah Ta'ala aime, c'est la volonté c'est la volonté religieuse. C'est la volonté religieuse, l'irada shar'iyya, qu'on appelle aussi l'amriya. Tayyib, c'est pour ça que tout ce qui se passe dans cet univers, on n'a pas pu le faire, on n'aurait pas pu le faire si Allah Ta'ala n'avait pas voulu qu'on le fasse. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. On voit si c'est une bonne chose. Ça veut dire que Allah Ta'ala aime, mais si c'est une mauvaise chose ou un péché, c'est quelque chose que Allah Ta'ala n'aime pas. Mais il savait, 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres, qu'on allait faire cette chose. Et c'est lui qui a créé en toi cette force pour faire cette chose. Mais jamais Allah Ta'ala ne t'a forcé à faire la chose qu'il n'aime pas, la chose qu'il déteste, la chose dont il nous a dit de nous éloigner. C'est pour ça que toute personne qui fait un péché, c'est elle qui a fait le péché, c'est pas Allah qui l'a poussé à le faire. C'est plutôt elle et son shaitan qui l'ont poussé à le faire. Mais ils ont fait ce péché sous la volonté d'Allah Azzawajal universelle, mais pas juridique. Naam, fadlan inshallah le prochain. La question d'Abou Salman. Donc, c'est fini, Inch'Allah, d'accord. Salam alaykoum, Cheikh. Quel est le jugement sur le fait de dire Allahu yarhamu d'une personne morte quand on sait qu'elle était juive ou chrétienne? Barakallahu fikoum. Tafaddal Cheikh Bidjawad. C'est une personne qui est chrétienne ou juive, c'est-à-dire une personne mécréante. Et on lui souhaite la rahma. On a un avocat de là en préconisant la rahma. Tafaddal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il n'est pas permis de dire à un juif ou à un chrétien qui est mort, Allah yarhamou. Il n'est pas permis. Il est permis, quand il est vivant, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Il est permis, quand il est vivant, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, comme il nous a guidés nous. Mais il n'est pas permis. Quel est le délit qu'il est permis de lui faire des doigts, de la guider quand il est vivant? Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait du'a al-qunut, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma ahdi, ahdi foulan bna foulan. Et il citait des noms de kofars avec les noms. Allahumma, guide X, guide Y. Et il citait des kofars. Mais quand il meurt maintenant chrétien, ou bien quoi, ou bien juif, maintenant, il est interdit de lui demander la miséricorde, comme Allah ta'ala a interdit à Ibrahim alayhi salam de demander la miséricorde. La miséricorde pour son père. Fadl Inch'Allah le prochain. Donc, Omeya. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, non. C'est ça, c'est chat. Donc, c'est Salaf Overblog, Inch'Allah.net. Bon, pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah, on va poser la question, Cheikh. Donc de Omeya, ou alors on passe à celle de Salaf Overblog. Alors la question du frère donc salafoverblog.net. Salam alaikum. Si en islam tout est écrit, l'homme peut cependant modifier son destin par ses prières? Ça, c'est une question, c'est Cheikh va y répondre, Inch'Allah. Tafaddal Cheikh, barakallahu fik. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre que Allah Ta'ala ait écrit la chose et entre que on peut la changer. Comment cela? Allah a dit dans le Coran, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit. Dans une autre récitation, wa yuthabbit. Wa indahu umul kitab. Allah Ta'ala a dit que il effaçait ce qu'il voulait et il maintenait ce qu'il voulait. En fait, ce qui est écrit se divise en deux. Il y a ce qui est écrit et il est chez Allah Azza wa Jal, dans la tablette préservée. Cette chose ne change jamais. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-'abid. Jamais la chose ne change en moi, Allah Ta'ala a dit. Ça. Et il y a ce qui est écrit chez les anges. Ce qui est écrit chez les anges dans leur livre, que telle chose va se passer, etc. Cette chose peut changer. Cette chose peut changer. Et premièrement. Deuxièmement, Allah Ta'ala, quand il a créé telle personne, supposons X des gens, 50 000 ans avant de le créer, Allah Ta'ala a écrit que cette personne allait faire telle invocation, par exemple, et si ce n'était pas cette invocation, cette doua qu'il allait faire, Allah Ta'ala ne lui aurait pas donné cette chose. Mais sachant que cette personne va faire telle prière pour demander cette chose, Allah Ta'ala a changé la chose qu'il ne devait pas te donner, il te l'a donné. Donc les prières elles-mêmes sont écrites, les douas elles-mêmes sont écrites. C'est pour ça que il n'y a rien qui se contredise. Bi'idhnillah Azza wa Jalla. Peut-il dans la rapide, c'est important. Peut-il continuer, inchallah, ta phrase et ensuite je te réponds. Alhamdulillah, jazakallahu khair. De toute façon, fika barakallah. De toute façon, s'il y a un problème, inchallah ta'ala, kesh mushkil. Quand c'est dans la rapide, naam, on peut rester si tu veux jusqu'à salat al-fajr. Inch'Allah, on passe au suivant. Cheikh, voilà la question de donc Umayya. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh, une sœur demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes frères me manquent. Un sahabi a dit, nous ne sommes pas tes frères. Il a répondu, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui ne m'ont jamais vu et qui viendront après moi. Connaissez-vous ce hadith? Si oui, serait-il possible d'avoir l'explication? Barakallahu fikum cheikh. On a cherché Fadal Bijawab, Jazakallah khair. Je connais ce hadith, Inch'Allah. D'abord, alaykoum salam, rahmatullah. Je connais ce hadith d'abord. Deuxièmement, c'est un hadith authentique. Quant à son explication, elle se trouve dans un autre hadith où on lui a demandé pourquoi eux, yani, ce sont tes frères et nous tes compagnons seulement. Il a dit que, dans un autre hadith, ce sont des gens qui croient en moi sans m'avoir vu. C'est-à-dire vous, vous m'avez vu. Quiconque me voit, et en étant musulman, c'est impossible qu'il ne croie pas en moi. Non, vous, il voit comme ça les miracles, les prodiges. Non, mais il a dit, ceux-là ne vont pas me voir dans cette dunya. Seulement, ils entendent parler de moi et ils croient en moi. Ceux-là, il a dit, vraiment, ce sont mes frères. Non, c'est-à-dire, il parle de nous pour montrer, Inch'Allah Ta'ala, notre mérite. Comment? Sans le voir seulement, seulement en entendant parler de lui, et on a cru en lui. C'est une faveur que Allah Azza wa Jal nous a donnée, bien sûr, tout en sachant que la faveur et le rang des compagnons est beaucoup plus élevé que le nôtre, bien sûr. Tfadl, Inch'Allah Ta'ala, le suivant, il y a quelqu'un qui m'a écrit en PV, qui m'a, en Whisper, qui m'a fait rire, d'ailleurs j'ai bloqué les Whisper, qui m'a dit, si vous êtes un salafi ou bien un frère musulman. Celui-là, il m'a fait rire. Naam. Tfadl, Inch'Allah, le prochain. C'est le tour à qui, Akhi Muslim, Alhamdulillah. C'est Oum Sofiane ou Abu wa Oum Khadija? Abu wa Oum Khadija, c'est ça? Tu mets un, Inch'Allah, c'est, d'accord. Oum Sofiane, d'accord. Alhamdulillah. Donc, la question de la sœur Oum Sofiane. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Barakallahu fikum pour vos cours qui nous sont très bénéfiques. Vous avez parlé tout à l'heure de la rencontre entre Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette rencontre? Où, quand, comment? Qu'Allah vous préserve et vous récompense par un bien dans ce bas monde et un bien dans l'au-delà. Tafadhal Cheikh, barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je parlais de la rencontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Isa alayhi salam le jour de, pas le jour, pas le jour, la nuit de l'ascension. Tout le monde sait que le messager d'Allah est parti de la Mecque vers Palestine, et de Palestine vers les cieux, où il a rencontré Allah Azza wa Jal sans le voir, bien sûr. Tayyib, quand il est arrivé à Al-Quds, non, Isra ou Mi'raj, c'est ça. Quand il est arrivé à Al-Quds, comment qu'on appelle déjà Isra en français? J'ai dit, quand il est arrivé à Al-Quds, il est parti sur le Burak, un animal qui est un peu plus grand que heureusement, que l'âne est plus, un peu plus petit que la mule. Non. Quand il est arrivé à la mosquée là-bas, Allah Azza wa Jal a fait descendre beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes et beaucoup d'anges. D'anges qui ont fait la prière derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il les a guidés pour Salat al-Subh. Entre autres, il y avait Isa alayhi salam. C'est là-bas qu'il l'a rencontré. Non. Et Isa alayhi salam a eu un petit dialogue avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, il lui a dit au messager d'Allah qui a voulu, le messager d'Allah alayhi sallam, a voulu yani faire avancer Isa alayhi sallam pour guider la prière des gens, et Isa alayhi sallam lui a dit laka uqimat, il lui a dit c'est pour toi que cette prière, c'est pour toi qu'on a fait l'iqama pour cette de cette prière, donc c'est toi qui vas guider les gens. Et là, le messager d'Allah a guidé les gens. De cette phrase de Isa, lorsqu'il a dit Laka uqimat, il lui a dit c'est pour toi qu'on a fait l'iqama, Allah Akbar, Allah Akbar, Salat, vous connaissez ça. Il a dit de cette phrase, certains savants ont dit que, quand quelqu'un dans la mosquée il s'avance pour faire la prière des gens et on fait l'iqama jusqu'à ce qu'on dise qam salat, qam salat, ils ont dit yani, il ne fait pas avancer une autre personne. Pourquoi? Parce que Isa salam a dit laka uqim, c'est pour toi qu'on a fait l'iqama, donc c'est toi qui fais la prière qui guide les gens. Certains savants ont dit comme ça, mais inshallah ta'ala, il n'y a rien d'interdit même après l'iqama de faire avancer une autre personne pour faire la salat. والله عز وجل أعلم. تفضل إن شاء الله بالبروشان. سي أبو وأم خديجة إن شاء الله. posez votre question إن شاء الله. c'est pas ça. نعم نعم. سي عبد ال 69 إن شاء الله. عفوا. إن شاء الله. préparez vos questions à l'avance, comme ça on gagne un peu plus de temps. et ça permet donc aussi à Cher de d'aller se reposer plus tôt, Inch'Allah. Je profite, Inch'Allah Ta'ala, pour prendre le micro pour vous dire que. Non, car j'oublie, c'est pour ça que je profite. Inch'Allah Ta'ala, avant de commencer le cours, quand vous mettez le Coran, non, je préconise non, que de préférence, le Coran soit lu d'un fichier qu'on a déjà. Pas en direct d'Internet, pas en direct. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sauts. Ils commencent à sauter des mots et à avaler les mots. Enfin, du moins, c'est ce que j'entends moi. Moi, quand je vous entends mettre le Coran, là, presque chaque verset, il saute un mot, il avale un mot. Je ne sais pas, je me suis dit, c'est sûrement à cause que c'est en direct. Il y a la connexion. Mais si quelqu'un avait un CD, les fichiers, Allahu alam. Donc, je ne vois pas pourquoi il saute comme ça. Là, peut-être c'est l'Internet, donc. Ah non, c'est la ROM. Taïb. Si c'est la ROM, c'est autre chose. Wallahu alam. Tfadlal, inshallah, la question. La question. Salam alaykoum, Shir. Qu'Allah vous récompense de la meilleure récompense, ainsi que votre épouse. Amin. Wahibbuka fillah. J'ai entendu un conférencier dire qu'on ne pouvait pas dire d'une maladie ou un mal provenant d'Allah Azzawajal. Prenons l'exemple de notre prophète Ayyub alayhi salam, qui s'adressant à Allah Azzawajal disait un mal m'a touché. Il n'a pas dit tu m'as éprouvé par un mal, mais toujours penser que toutes les épreuves provenaient d'Allah Azzawajal et qu'on pouvait dire Allah Azzawajal m'a éprouvé par cette maladie. Pouvez-vous m'expliquer? Voilà, tfaddal Cheikh, bel jawab. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. La règle, dit en général, ce n'est pas seulement en ce qui concerne le mal, la maladie, enfin, mais en ce qui concerne le mal en général. Naam, shar, ce qu'on appelle en français shar. Naam, on ne doit jamais, naam, dire qu'il provient de Allah Azza wa Jal, dans le sens où c'est lui qui l'a fait. Mais on dit que le char, le mal, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. On ne dit pas comme les Mu'tazilites. Ils disent que c'est le shaitan qui a créé le mal, ou bien les autres qui disent que c'est. Il y a un autre Dieu qui a créé. Nous, on a un seul créateur. Il a créé le mal, il a créé le bien. Mais le mal, il l'a créé, mais il ne le fait pas. C'est nous qui le faisons. C'est pour ça que, si vous remarquez dans Sourate al-Jinn, où il est dit, les djinns ont dit وَلَا نَدْرِي أَخَيْرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Ils ont dit, on ne sait pas si un mal allait se produire sur la terre. Ils n'ont pas dit que Allah allait faire le mal. Ils ont laissé comme ça, yani, au passif, pour ne pas montrer qui est le sujet. Ensuite, ils ont dit Am arada bihim rabbuhum rashada. Ou alors, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu leur faire du bien. Hein, quelque chose. Quand c'est le bien, ils ont mis le sujet qui est Allah Azza wa Jal. Donc là, c'est plein de. En ce sens, le Coran est plein de ces choses pareilles. C'est pour ça que, en général, tout ce qui est mal, on dit qu'il vient de nous, ou bien on a été éprouvé par ce mal. Mais si c'est un bien, on dit qu'il vient d'Allah Azza wa Jal. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ نعم. Et tout ce qui est mal, comme j'ai dit, il faut dire que c'est Allah qui l'a créé, mais c'est nous qui le faisons, ou bien c'est nous qui l'avons eu comme épreuve et comme châtiment pour avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir fait ce qu'il déteste. Fadal inshallah, le prochain. Allah ta'ala a'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, regardez votre PV, Inch'Allah, sur Itchater. Et dites-moi donc, Inch'Allah, si on la passe. Et si on la passe pas. Sachant que le frère, il est nouveau, Allahu alam. Et il ne savait pas que c'était juste la Aqida aujourd'hui. Cheikh, vous m'entendez, Inch'Allah? Tfadal, Cheikh. Non, puisqu'Inch'Allah ta'ala tu dis que ce frère est nouveau et qu'il ne savait pas qu'aujourd'hui on aurait conclu sur la Aqida, alors réponds-lui, alors dis sa question, lui répond Inch'Allah ta'ala car il est excusé. Salam alaykoum, Cheikh. J'aimerais épouser une femme musulmane, alhamdulillah, mais ma mère ne veut pas du fait de son origine. Que dois-je faire? Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, pour le musulman, il lui est interdit de se marier avec une femme qui n'est pas musulmane, sauf si elle est chrétienne ou juive. Et en plus de cela, elle n'est pas esclave, et en plus de cela, elle est chaste. Donc, en règle générale, le musulman doit se marier avec une musulmane. Sinon, avec une juive ou chrétienne, à condition qu'elle ne soit pas esclave, qu'elle soit quoi ? Qu'elle soit et qu'elle soit chaste. Donc je dis à mon frère, si ta mère ne te laisse pas te marier avec une musulmane, alors marie-toi, dans le moindre mal, marie-toi avec une chrétienne qui ne soit pas esclave et qui en même temps soit chaste. Et peut-être qu'Inch'Allah ta'ala, petit à petit, tu vas lui faire la dawa jusqu'à ce qu'elle devienne musulmane, Inch'Allah ta'ala. Sinon, si ta mère te pousse à te marier avec une athée, ou bien une chrétienne qui n'est pas chaste, qui est fornicatrice, si dans ce cas, il ne faut pas se marier avec elle. C'est pas la religion, donc je n'ai pas compris la question. Reposez-la moi. Naam, cher. La question, Inch'Allah, en fait, c'est pas qu'elle soit musulmane, c'est son origine. En fait, c'est juste l'origine de la personne qui la dérange. C'est pas sa religion. Tfadal, cher. Là, maintenant j'ai compris. Ça veut dire que ma mère ne veut pas du fait de son origine. Là, si tu trouves, si tu trouves une autre musulmane qui remplit les conditions et qui est des origines de l'endroit, de l'origine que ta mère accepte, alors choisis une sœur de cette origine. Mais s'il n'y a que celle-là, et qu'elle remplit des conditions, et que ta mère est contre, c'est elle qui est la fautive, et ce n'est pas toi. C'est ta mère qui est la fautive, car elle vient de poser une condition qui va à l'encontre de l'islam. Donc c'est elle, Ibn Azzawajal, qui est en faute, et ce n'est pas toi qui est en faute. Non, si tu veux lui obéir, pour ne pas la perdre, jusqu'à ce que tu la convainques, c'est mieux. Non, mais si tu veux te marier avec elle parce qu'elle remplit les conditions, ce n'est pas une désobéissance. Est-ce que tu acceptes que tu perds ta mère et que peut-être elle ne te parle plus jusqu'à ce que tu meurs? Ça revient à toi, mais ce n'est pas une désobéissance. Fadal, Inch'Allah. C'est Bint Mohammed. Bint Mohammed, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum Yashir. Est-il autorisé à un enfant d'avoir des poupées? Et qu'en est-il sur le fait que sur ses vêtements il y ait des images? Barakallahu fik. Afin, je ne savais pas que c'était juste sur la aqida et j'avais déjà écrit ma question. Donc pour la question du fiqh, c'est le mercredi, inshallah. Le mercredi. Et la aqida, c'est le samedi. Tfadal Cheikh. Non, mais je répète, inshallah. C'est pas une question sur la aqida, Cheikh. Salam alaikum, ya Cheikh. Est-il autorisé à un enfant d'avoir des poupées? Et qu'en est-il sur le fait que sur ses vêtements, il y ait des images? Barakallahu fik. Afwan, je ne savais pas que c'était juste sur la aqida et j'avais déjà écrit ma question. Et après, la sœur demande quand est-ce qu'on peut poser des questions sur le fiqh. Et j'ai répondu le mercredi et le samedi sur la aqida. Wallahu alam, confirmé, Cheikh. Tfadal. Naam, inshallah ta'ala, les questions sur le fiqh sont le mercredi. Et quant au samedi, inshallah ta'ala, on le laisse spécialement pourquoi? Pour la aqida. Je disais que pour les poupées, certains ont permis cette chose et d'autres ont dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la poupée, yani, si on devait la permettre, comme Aïcha radiallahu ta'ala joue avec la poupée, mais ce n'était pas une poupée comme de nos jours, une poupée qui a les yeux, le nez, la tête, qui parle, qui chante, qui danse, qui fait tout, comme j'ai dit une fois, elle fait tout sauf la prière. Non. Elle parle, elle danse, elle boit le lait, elle urine, elle fait tout, même surtout la danse. La poupée, c'est la spécialiste de la danse, mais jamais elle fait la prière, la poupée. Ils ont dit, la poupée d'autrefois, c'était un bâton. Un bâton comme ça, un autre, comme si on mettait une croix, on met comme une petite boule de laine sur l'autre bâton, comme quoi c'est la tête, on met comme ça une robe et on dit voilà, on a une poupée. Mais de nos jours, les poupées, l'âme, c'est vraiment l'imitation de la création d'Allah Azzawajal. Vraiment l'imitation de la création d'Allah Azzawajal. Et certaines poupées, yani, sont maintenant jusqu'à yani, devenir quoi? Devenir, ils ont construit yani, vraiment grandes. Il y a des poupées qui font un mètre et quelques, il y a des poupées, il y a des nounours qui font, on va dire, un vrai ours. Non. Des fois, on voit un ours en peluche, on a peur de lui. Tellement on croit que c'est un vrai ours. Ça, c'est vraiment imitation de quoi? Imitation de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si quelqu'un vraiment se voit obligé d'acheter une poupée, il faudrait quoi? Qu'il lui enlève yani, les yeux, etc. Là, il va la scalper. Il va la scalper. Il lui enlève les cheveux, il lui fait sortir les yeux, il lui trouve le nez, il lui enlève la bouche. Il va lui subir une opération. Il va prendre l'hôpital, on lui subit une opération, ensuite il la donne à l'enfant, il lui dit joue avec. Donc c'est impossible. Quant au l'autre, les photos, les images qui sont sur les vêtements, si quelqu'un peut s'en éloigner pour ses enfants, c'est mieux. Car même ceux-là, ne laisse pas les anges rentrer dans la maison. Donc, sans que tu le veuilles, tu vas être là à la cause pour empêcher les anges de rentrer dans la maison. S'ils n'ont pas de tête, d'accord. Tant qu'il y a la tête, comme a dit le messager d'Allah, le Innama Suratu Arras. C'est la tête qui nous montre que c'est une photo, mais ce n'est pas une photo, c'est une statue, ce n'est pas une statue. Si quelqu'un pouvait s'éloigner, Inch'Allah ta'ala, ce serait la meilleure chose. Tfadal, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Mon père m'a donné une bouteille d'eau trouble contenant de l'herbe. Il m'a dit de me laver avec cette eau et que cela m'aiderait à trouver du travail car j'ai des difficultés à ce niveau. Entre parenthèses, hijab et mixité. Je lui ai dit que j'avais des doutes, mais n'ayant pas de dalil à ce sujet, je ne pouvais pas argumenter et donc il s'est énervé. Ma mère veut que je fasse comme si je prenais l'eau. Elle ne veut pas que je le dise à mon père ni à mon oncle qui lui a fait parvenir cette eau. ayant de gros doutes à ce sujet, à savoir si c'est un shirk ou non, pourriez-vous expliquer, m'éclairer à la lumière du Coran et la Sunna authentique, que me conseillez-vous? Jazakallahu khayran shir. Tfadal shir. Naam. En fait, veuillez m'excuser, mais je n'ai pas entendu le début. Je n'ai pas entendu le début. Donc ça m'a fait barakallahu fik. Naam, je répète, inshallah shir. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayakoum Allah. Mon père m'a donné une bouteille d'eau trouble contenant de l'herbe. Il m'a dit de me laver avec cette eau et que cela m'aiderait à trouver un travail car j'ai des difficultés à ce niveau. Hijab et mixité entre parenthèses. Je lui ai dit que j'avais des doutes, mais n'ayant pas de dalil à ce sujet, je ne pouvais pas argumenter et donc il s'est énervé. Ma mère veut que je passe comme si je prenais l'eau. Elle ne veut pas que je lui dise à mon père ni à mon oncle qui lui a fait parvenir cette eau. Ayant de gros doutes à ce sujet, à savoir si c'est du shirk ou non, pourriez-vous expliquer, m'éclairer à la lumière du Coran et la Sunna authentique, que me conseillez-vous? Jazakallahu khayran shir. Fadal shir, inshallah. J'ai entendu dans la question que ma soeur avait dit de l'eau trouble. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire de l'eau trouble. Fadal. C'est ce que j'ai entendu. Wallahu alam. Dis-moi ce que c'est l'eau trouble. Fadal. Naam shir. L'eau trouble, c'est comme l'eau de la mer. Elle n'est pas claire. Si on prend de l'eau et on la met dans une bouteille, de l'eau avec du sable, par exemple, un peu de sable, c'est un peu trouble. Mais l'eau, elle n'est pas claire, elle n'est pas transparente. C'est ça l'eau trouble. C'est un peu de l'eau, comme si elle était sale un petit peu. Ça, c'est avec un mélange. Comme elle a dit, elle a dit cette eau, elle contenait de l'herbe également. Et c'est peut-être cette herbe qui a fait que l'eau n'est pas restée claire. Wallahu a'lam. Tfadal cheikh. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Si cette eau, si dans cette eau il y avait par exemple le cidre, il y avait de l'eau où on a lu du Coran dessus, et il y avait le cidre, je crois qu'on appelle jujubier ou quelque chose comme ça, cidre. Naam. Cette eau, quand quelqu'un a du sihr, cette eau mélangée avec le jujubier, quand quelqu'un a du sihr, la sorcellerie, on lui dit dedans, naam, et il se lave avec, il se pourrait que cette sorcellerie s'en aille de lui, surtout si c'est la sorcellerie du genre qui empêche l'homme de faire le rapport avec sa femme ou bien la femme de faire le rapport avec son mari. Hein? Ça c'est connu chez les savants, c'est connu chez Ibn Baz ou chez les grands savants. Maintenant, quand cette chose, où est le micro? Je ne vois pas. Assalamu alaikum. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Vous avez entendu ce que j'ai dit ou vous n'avez pas entendu jusqu'à Cheikh Ibn Baz la yarhamou? Vous avez entendu? Alhamdulillah. Mais maintenant, puisque cette eau trouble, naam, est venue de je ne sais de qui. On ne sait même pas qui c'est. C'est un savant qui a lu dedans ou bien c'est un charlatan. Et on ne sait pas ce charlatan. Naam, qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a. Naam. Donc je conseille à cette sœur de s'en éloigner. Naam, de s'en éloigner. Car, naam, il est possible que, en se lavant, il est possible que elle sera une cause ou une raison pour attirer les djinns. Des fois c'est comme ça. Des fois le sorcier nous donne des choses. On croit que si on va faire ces choses, et on va réussir, etc. Alors que on va s'attirer les djinns et les chayatines, et on ne sait pas. Alors le sorcier les a envoyés. Naam. Mais cet oncle, il faut savoir c'est qui. C'est quelqu'un qui est connu par la science, qui est connu par le ilm, qui est connu par le minhaj, c'est qui? Ou là, c'est quelqu'un qui suit n'importe qui, etc. C'est qui mon oncle? Mon oncle, des fois, il est sincère, il m'aime beaucoup, etc. Mais il se trompe. On n'est pas le dîn. Naam. C'est pour ça que je dis à cette personne, si vraiment elle sait qu'elle n'a pas de sihr, et ensuite qu'elle a des doutes sur cette eau, qu'elle la jette bi'idna azzawajal dans la baignoire. Et maintenant, s'il a peur de sa mère ou bien de son père, naam, qui lui ont demandé de se laver avec cette eau, si elle a peur, naam, elle rentre dans la salle de bain, elle ferme à clé, elle prend une douche, et elle jette cette eau dans la baignoire, et quand elle sort, Alhamdoulilah, voilà, j'ai pris ma douche, alhamdoulilah. Comme quoi, yani, elle n'a pas dit j'ai employé l'eau. Et comme quoi, elle leur fait croire qu'elle a employé de l'eau, sans mentir. Elle dit, alhamdoulilah, naam, alhamdoulilah, je viens de prendre ma douche. Comme ça, inshallah, ils confient à khair, inshallah, ta'ala. Et comme ça, elle leur fait croire, c'est tout. Mais elle ne l'emploie pas, naam, car elle ne sait pas d'où ça vient. Et le fait que ça vienne d'un oncle, ce n'est pas suffisant. Naam, beaucoup de gens ont des oncles qui, naam, veulent faire du bien, mais sans le vouloir, ils font du mal. Wallahu ta'ala alam. Inch'Allah, le prochain, ensuite, je n'oublierai pas de dire non, aux frères et aux sœurs que très bientôt, Inch'Allah ta'ala, je vais commencer, Inch'Allah ta'ala, à donner des cours d'arabe. À donner des cours d'arabe, spécialement pour les frères et les sœurs qui n'ont jamais appris l'arabe. Pas pour ceux qui sont moyens, qui connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne font pas la différence entre le A et le I, le B et le B, et bou et tout est comme ça. Naam. On va commencer par zéro, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Donc c'est pour très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous dirai, Inch'Allah Ta'ala, à qui vous adresser pour vous, naam, pour vous inscrire. Naam. Pour les frères, ils pourront, naam, très bientôt, contacter le frère Ibn al-Qayyim. Pour les sœurs, naam. Il y aura deux sœurs, Inch'Allah Ta'ala. Il y aura la femme de Ibn al-Qayyim. Et il y a une autre sœur qui est absente, Inch'Allah Ta'ala. Tfadhal, l'autre question. Non, mais c'est Tlemcini 13 sur Itchator, Inch'Allah. Si la question ne passe pas, c'est qu'elle est longue. Il faut la couper, Inch'Allah Ta'ala. Une question où il y a 10 phrases ou 10 lignes à la fois, ça passe pas. Il faut la couper, Inch'Allah Ta'ala. Je profite, j'ai repris le micro pour profiter pour dire à mes frères et mes sœurs, là, qui de temps en temps disent des choses, yani, des choses où je suis critiqué, des choses comme ça, où les Rawafed, ou bien les Kharijites, ou bien les Mu'tazila, ou bien les Habash, ou bien les Takfiriyoun, ou bien les. Enfin, les Mubtadi'a en général. Ils se ressemblent tous, ils s'assemblent en un point, c'est quoi? L'innovation. Quand vous entendez ou vous lisez quelque chose de moi, là, il ne faut pas, Inch'Allah Ta'ala, vous chagriner. Il ne faut pas vous chagriner. Est-ce que vous pensez que quelqu'un fasse la dawa et là, réussisse dans sa dawa sans qu'il soit critiqué, sans qu'il soit frappé, sans qu'il soit emprisonné, sans qu'il soit blessé, sans qu'il soit volé et comme ça? C'est pas possible. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Illalladhina amanu wa amilu salihat, il a dit, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Et ils se sont conseillés le haqq, et tout juste après il a dit, ils se sont conseillés la patience. Car quand tu es sur le haqq, il te faut de la patience. Wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar, wa nahy anil munkar, wa sabr ala ma asabak. Regardez. Prends le bien, proscrit le mal, ensuite il dit wasber et patiente pour ce qui t'arrive. Donc Inch'Allah Ta'ala, je vous demande d'être patient, naam, car vous savez que c'est une sunna d'Allah Azzawajal et que le fait d'être critiqué ou yani, d'être blâmé ou d'être ceci, d'être cela, c'est là une preuve que la da'wa marche. Car si ça ne marchait pas, on m'aurait dit c'est tranquille, on aurait dit celui-là il fait rien. Allez, laissez-le. Laissez-le, yani, sa dawa ne marche pas. Mais quand ils sentent que la chose marche et que les gens sont intéressés, sont attirés, etc., qu'ils commencent à faire cela, mais sachez que, soyez sûr que, nam, ce n'est qu'un nuage qui va passer. Nam, Allah Ta'ala a promis que c'est yani, celui qui est sur sa voie qui va réussir, qui va triompher. Et ce n'est pas un innovateur qui va avoir le dessus sur quelqu'un de Ahl Sunnah. Que Allah Azza wa Jal nous fasse d'eux. Tfadhal, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tlemcini 13, est-ce que vous êtes nouveau, Inch'Allah? Est-ce que c'est la première fois que vous assistez au cours du Cheikh? Non, donc, Inch'Allah, vous êtes au courant que le mercredi, c'est fiqh. Et samedi, Inch'Allah, C'est la aqida. Deuxième fois, Inch'Allah. Naam. Donc, Cheikh, yani, je pose la question quand même, Inch'Allah. Je n'ai pas encore la question. Le frère, il demande déjà si vous l'autorisez à la poser. Naam. Mais Inch'Allah, on prévient que la prochaine fois, mercredi prochain, Inch'Allah, les personnes qui poseront les questions, ils poseront que des questions sur le fiqh. Et ne vous étonnez pas si on refuse la lecture de la question. On ne demandera pas à Cheikh s'il l'autorise. On jugera directement par nous-mêmes, les lecteurs, ben on refusera directement de lire la question. Et samedi prochain, Inch'Allah, ça sera la même chose. Uniquement des questions sur la aqidah ou sur le cours. Donc c'est exceptionnel ce soir. Barakallahu fikoum. Posez la question, Flemseni 13. Posez-moi la question en PV, Inch'Allah. C'est juste pour une meilleure organisation. Barakallahu fikoum. Un frère veut savoir si son mariage est valable, sachant qu'il n'était pas présent lorsque l'imam a prononcé le mariage. C'est le père du marié qui l'a représenté. Et est-ce que le mariage est valable également si un frère prononce 3 fois le divorce alors qu'il a eu un rapport après la troisième prononciation du divorce. Jazakallahu khayran. Précisez par contre si le divorce, il l'a prononcé 3 fois de suite ou à 3 moments différents. Normalement, car il y a ikhtilaf selon les savants. Tfadashir. Je n'ai pas entendu la dernière question. J'ai entendu la première en ce qui concerne quelqu'un qui n'était pas présent, mais son père l'a représenté dans le mariage. Celle-là, j'ai entendu. Son mariage est valable. Mais l'autre, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que le mariage est valable également si un frère prononce 3 fois le divorce alors qu'il a eu un rapport avec la troisième? Il a eu un rapport après. Ah. Est-ce que le mariage est valable si un frère prononce 3 fois le divorce alors qu'il a eu un rapport après la troisième prononciation du divorce? Je commence par la première, Inch'Allah Ta'ala. Quelqu'un qui n'est pas présent quand on fait l'acte de mariage, le halal, mais qui envoie quelqu'un le représenter, ça suffit. Non. S'il envoie quelqu'un, son père, ou là, le représenter, à sa place, ça suffit. Le muhim, c'est qu'il soit lui, yani, radi, il a accepté. C'est lui qui a envoyé quelqu'un à sa place. Voilà, ça dit, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Reste, quand quelqu'un prononce 3 fois le divorce, non. Si c'est dans le même endroit, la même assise par exemple, non, ça ne compte qu'une seule fois. Ça ne compte qu'une seule fois. Mais si c'est, il a prononcé le divorce, ensuite il a rendu sa femme. Ensuite il a prononcé le divorce, ensuite il a rendu sa femme. Ensuite il a prononcé le divorce, non, dans ce cas, khlas, il ne peut plus se marier avec elle, ni encore moins avoir de rapport avec elle. Mais s'il les a prononcés les 3 à la fois, dans un même endroit, tu es divorcé, divorcé, divorcé. T'es talaq, talaq, talaq. Ça ne compte qu'une seule fois. Même c'est l'avis le plus juste. Mais si, quand je redis, il lui dit tu es talaq, ensuite il la reprend. Même avant que, par exemple, ça se termine l'aïda. Par exemple, il a dit, même après le rapport. Naam, si quelqu'un a dit les trois phrases dans la même assise, tu es divorcé, divorcé, divorcé, ça ne compte qu'une seule fois. Ça veut dire si après il a fait le rapport, naam, ça veut dire qu'il a repris sa femme. Il a fait le rapport avec elle, avec dans l'intention de la reprendre, pas dans l'intention de jouir d'elle. Alors que dans son cœur, il dit je la reprends pas. Dans ce cas, c'est de la zina. Et je sais qu'il y a des gens qui font cela. Il y a des gens qui, après, il lui dit tu es divorcé, ensuite il fait avec elle le rapport. En profitant d'elle, ils disent c'est un objet de jouissance. Non, je vais me réjouir d'elle. Et ça, c'est chez Allah Azzawajal de la zina. S'il fait le rapport avec elle, il faut qu'il la rende dans son cœur, qu'il dise là, j'ai regretté, je veux reprendre ma femme. C'est dans ce cas que ça lui est permis. Sinon, c'est la zina. Tlemcen 13, est-ce que c'est compris, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que c'est compris? Moyen. Si ce n'est pas compris, il faut que tu dises qu'est-ce que tu n'as pas compris, Bilillah. Je t'attends, Tfadlak. Tlemcen 13. Inch'Allah, qu'est-ce qui n'a pas été clair dans la réponse? Inch'Allah, dites ce qui n'est pas clair pour vous. Non, il a fait le rapport après avoir prononcé le troisième divorce. Non. Donc c'est quoi qui n'est pas clair, Inch'Allah, dans la réponse? Donc le shir, il dit donc il a fait le rapport après avoir fait donc après la troisième prononciation du divorce, et donc il demande en fait donc la question c'est de savoir si le troisième rapport qu'il a fait après, lui, est-ce qu'il était dans le haram, c'est ça, Tlemcen 13. En fait, est-ce qu'il était encore autorisé à ce frère de reprendre sa femme? C'est ça, Tlemcen 13? Est-ce que c'est ça qui n'est pas clair, Inch'Allah? Non, c'est est-ce qu'il est réellement divorcé ou pas? Tfadal, cher. En fait, Mouslim, je ne sais pas si tu as remarqué une chose. Mouslim, je ne sais pas si tu as remarqué une chose, mais ce que tu dis, toi, ce n'est pas ce qu'il a dit, lui. Non. Parce que lui, il a dit, ça compte comme un. Il a dit, il a fait le rapport et après, il a prononcé le troisième divorce. Et toi, tu as dit, il a prononcé le divorce après avoir fait le rapport. Allah, moi je dis à Tlemcen 13, voilà ce que tu as écrit, Tlemcen 13, tu as dit, il a fait le rapport, ensuite il a prononcé le troisième divorce. Donc je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Car quand il a fait le rapport, c'était sa femme. Il était au deuxième divorce. Naam. Et il avait fait le rapport, donc l'avait reprise. Ensuite, après avoir fait le rapport, il a divorcé pour la troisième fois et la dernière. Donc, si c'est comme ça, maintenant, elle n'est plus son épouse. Elle est devenue une étrangère et il ne peut jamais se marier avec elle. Voilà, Nam. Après avoir fait le rapport, Nam, il l'a divorcé pour la troisième fois. Et dans ce cas, elle n'est plus son épouse. Nam. Fiche mouchtila, inshallah ta'ala. Aujourd'hui, j'ai dépassé le temps d'une demi-heure. Mieux encore, de 37 minutes. De 37 minutes. Sinon, je devais terminer à 20, 23 heures. Naam. Je vous donne, inshallah ta'ala, rendez-vous à samedi. À mercredi, inshallah ta'ala. D'ici mercredi, que Allah azzawajal nous préserve, nous garde et raffermisse nos cœurs. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.